Épisode 6, le cœur gros. T'as déjà eu, toi, un gros chagrin d'amour ? Tu es bien placé pour le savoir. C'est moi ton plus gros chagrin d'amour ? Non, mais tu m'as fait un très gros chagrin d'amour. Tancrède Ramonet. Moi, je suis spécialiste en chagrin d'amour. T'en as vraiment vécu beaucoup, des chagrins d'amour ? Non, j'en ai vécu 3 dans ma vie. Le premier d'entre eux, c'était un chagrin d'amour qui était au collège. Et j'étais très amoureux d'une jeune fille à l'époque. Et elle en aimait un autre. Et c'était, j'avais l'impression de vivre dans des pièces de théâtre ou dans des films. C'était horrible. J'écrivais des poèmes. Je commençais à lire justement les tragédies grecques. Et j'avais l'impression de vivre ça, alors que finalement, ça aurait beaucoup plus pu être du Phédo. Et c'est un sentiment, l'impression effectivement que on ne peut pas continuer à vivre sans l'autre. C'est terrible. Moi, ça me rappelle, tu sais, les drames romantiques. J'ai passé mon bac français, je crois que ça devait être en 96, quelque chose comme ça. Et au programme, il y avait les drames romantiques, tu sais, genre Hernani, Ruy Blas. Et moi, je me suis demandé jusqu'à quel point ça façonnait pas ma vision de l'amour, c'est-à-dire le suicide comme option. Puisqu'à la fin des drames romantiques, ils suicident tous. Je sais pas si tu te rappelles, ils meurent tous à l'épée ou au poison, tu vois. Moi, d'ailleurs, je trouve ça super érotique, la façon dont ils se suicident sur scène. Mais du coup, je me demande jusqu'à quel point le drame romantique, comme ça, tu vois, dans ma petite tête d'adolescente de 16-17 ans, bah, ça n'a pas façonné mon imaginaire amoureux en me disant que, bah oui, le dénouement possible d'un chagrin d'amour, c'est finalement l'épée ou le poison ou le suicide, tu vois, tout simplement. C'est ça, en plus, moi, tout me renvoyait à ça, quoi. Et il n'y avait comme seule option à l'époque que le suicide. C'était quelque chose de tragique. J'avais l'impression d'être un mélange entre, oui, Quasimodo, Cyrano de Bergerac, etc. Et ne voyant plus que la mort comme manière à la fois d'apaiser mes souffrances et puis de retrouver l'autre, finalement, avec l'idée aussi un peu que ouais, elle verrait bien ce qu'elle avait manqué à mon enterrement, puisque les gens diront à quel point j'étais formidable. J'avais 13-14 ans. Donc, je sais même pas si elle serait venue à mon enterrement. Voilà, je me disais ça comme manière de faire payer un petit peu et en même temps de lui révéler comme ça là, toute la grandeur, l'importance, l'immensité de mon amour, quoi. Oh, madame, à genoux, par pitié, oubliez-moi. Mais mon Dieu, pourquoi cela? Qu'avez-vous fait? Je vais partir. Adieu. Ah, pays damné, terre du dédain, sois maudite à jamais. Il prend la fiole d'opium. Oh, mon âme, je t'avais vendue. Je te rachète avec ceci. Il boit l'opium. Sylvain Léda, professeur de littérature française à l'Université de Rouen. Oh, mort, ange de délivrance, que ta paix est douce. J'avais bien raison de t'adorer, mais je n'avais pas la force de te conquérir. Je sais que tes pas seront lents et sûrs. Regarde-moi, ange sévère, leur ôter à tous la trace de mes pas sur la terre. Alors pourquoi est-ce que les drames romantiques, ça se termine toujours en suicide ou en poison, en épée, en meurtre? Pourquoi ça se termine toujours comme ça? Qu'est-ce que ça a comme signification? Alors, j'ai envie de vous répondre, c'est un lieu commun, pas seulement du drame romantique, mais du théâtre en général. Si vous prenez les tragédies de Racine, elles se terminent mal, sauf que on ne voit pas la mort en scène. La mort disparaît, elle est évacuée en coulisses. Cléopâtre dans Rodogune va mourir en coulisses, on ne la voit pas. La nouveauté du spectacle romantique, c'est que la mort fait spectacle, elle est attendue. Le public veut la voir en scène, il veut participer à cette espèce de moment de climax du spectacle en voyant les gens mourir, se tuer, se suicider, parfois de manière tout à fait frénétique, en râlant, en rampant sur le sol. Est-ce que c'était condamné à l'époque? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des craintes qui aient un caractère incitatif, que les gens se suicident en masse après avoir vu des pièces de théâtre? Oui, c'était condamné. Ce qu'on appelle l'école moderne à l'époque, c'est le romantisme. Et on condamne les excès de l'école moderne. Et ces excès sont principalement l'adultère, puisque c'est condamné moralement, mais aussi le suicide, l'assassinat, qui sont des actes répréhensibles. Mais j'ai envie de dire, cette mauvaise influence du théâtre autour de la question de la mort, on la trouve aussi à d'autres moments. Par exemple, quand Goethe publie Werther, il y a une vague de suicides en Europe, c'est ce qu'on appelle l'effet de Werther, et c'est moralement jugé très dangereux. En même temps, il y a toute une charge érotique derrière cette mise à mort en scène, devant le public, une sorte de grande exhibition d'un désir qui avait peut-être été très longtemps refoulé au théâtre, ou alors sur des scènes populaires, des scènes mineures. Sauf que là, c'est sur un grand théâtre parisien, fréquenté par un public très varié, très élitiste, plus populaire, mais aussi très élitiste. Pour revenir au suicide, il y a aussi une condamnation de l'Église du suicide, encore, à ce moment-là. Enfin, c'est toujours le cas, par ailleurs, mais moins. Là, j'imagine que la condamnation était quand même plus forte. Alors, la condamnation est très forte, en effet. Les êtres qui se suicident n'ont pas accès au ciel, on va dire. Donc, effectivement, il y a une condamnation du suicide. Et en même temps, c'est tout à fait paradoxal, il y a aussi une certaine complaisance dans le suicide à l'époque romantique. Donc il y a une espèce de double dynamique de condamnation morale et de complaisance dans cette action qu'on peut juger immorale si on est croyant, si on est chrétien, religieux, que sais-je. Mais en même temps, ce suicide dit quelque chose d'un état moral de la société et d'un désenchantement profond. Dans les nouvelles de Musset, que Musset écrit après 1836, il met en scène le suicide d'une jeune fille, d'une jeune grisette qui n'a pas suffisamment les moyens de vivre et qui n'a pas une réciprocité amoureuse avec un jeune homme, un dandy, qui n'est pas de son niveau social et elle se suicide à la fin de cette nouvelle. Elle est très très très touchante cette nouvelle et elle dit quelque chose de la société du début de la monarchie de Juillet. Il y a un malaise autour du suicide, un malaise ontologique je dirais. C'est pourquoi la littérature, que ce soit le théâtre, mais aussi la poésie ou les romans, prennent en charge ce thème social, si vous voulez, pour produire un discours sur la mort. Et le suicide, lui, est une réponse. Et une réponse, j'ai envie de dire, qui garde un certain panache. Pour les dandys, par exemple, le suicide est une manière de quitter le monde dignement. Mais ce qui est moderne dans le suicide, c'est qu'il a quelque chose d'élégiaque et de féminin, je trouve. Donc là, il y a aussi une question de genre autour du suicide. Les hommes ne se suicident pas de la même manière que les femmes. Or, Ruy Blas, lui, se suicide comme se suiciderait une femme en s'empoisonnant, qui n'est pas un suicide jugé très viril, au fond. Et son suicide au poison s'accompagne de tout un discours élégiaque qui est absolument sublime, avec cet ultime « merci » qui est extraordinaire, qui est une sorte d'apothéose élégiaque dans la mort, dans le suicide, qui est un des très grands moments du théâtre romantique. Jusqu'à quel point est-ce que ça façonne encore notre imaginaire amoureux, tout ça, aujourd'hui, en 2022 ? Je dirais que quand on évoque le mot romantisme, amour romantique, l'expression est souvent galvaudée. On pense aux comédies américaines, on pense à un usage qui a été un peu dévoyé. Je crois qu'on garde quand même un héritage, j'ai envie de dire, européen, d'un certain traitement des passions, qui passe par l'époque romantique. Les passions, c'est transséculaire, mais le renouvellement qu'apporte la littérature romantique au traitement des passions, et notamment des passions amoureuses, reste quand même pour nous des modèles. Je donnerai deux exemples. L'exemple du Rouge et le Noir, de Stendhal. Quand on pense au romantisme, on pense à ce grand roman d'amour, grand roman de passion amoureuse, qui se termine mal, bien sûr. Et puis, on pense évidemment à tous les clichés de l'amour romantique qu'on a déjà évoqué ensemble, le désespoir, le suicide, les tourments, l'incompréhension. Donc, je pense que notre imaginaire culturel commun, notre imaginaire collectif, a totalement intégré ces éléments. Quand on se suicide par amour, quand on dit que quelqu'un se suicide par amour, on va le qualifier de romantique. Parce que l'association amour et mort, cette équation-là, aboutit au romantisme. Ou à une image qu'on a du romantisme. Je te rappelle que moi, je porte un prénom, c'est Tancrède. c'est un prénom qui a une origine, qui vient quand même d'une histoire particulière, qui s'appelle Le combat de Tancrède et Clorinde. C'est le premier opéra qui a été fait par Monteverdi, c'est tiré du Tasse. C'est l'histoire d'un combat qui oppose Tancrède et Clorinde, la femme qu'il aime. Sauf que Clorinde est habillée en chevalier, elle a le visage masqué, elle veut rentrer, je crois que c'est dans les portes de Jérusalem, c'est une sarrasine, Tancrède est un croisé. Et elle veut rentrer et elle ne connaît pas le mot de passe. Et alors, un combat s'engage entre Tancrède et Clorinde. Tancrède tue le chevalier masqué, disons avec son casque. Et comme il s'est battu très noblement, il le prend dans ses bras au moment où il va expirer, retire son aume et il voit les cheveux et le visage de la femme qu'il aime. Et donc, il vient de tuer la femme qu'il aimait. Et là aussi, on a une espèce de mix entre l'amour et la violence qui sont imbriqués comme ça, à la fois la chevalerie. C'est chaud, hein, le poids quand même sur nos épaules et comment ça façonne nos futures relations amoureuses. Parce que toi, Tancrède, donc t'es censé être le chevalier. Mais attends, je te rappelle que moi, mon vrai prénom, c'est Héloïse. Absolument. Au secours, Héloïse et Abélard, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que l'histoire d'amour, elle se finit avec l'autre qui est châtré. Mais à un moment, ils finissent quand même réunis dans la mort pour l'éternité. Ils finissent quand même réunis. Donc il y a toujours cette idée de projection à très long terme des relations amoureuses, qui finalement me convient assez bien. Mais ça se termine salement de mon côté. Ça se termine avec une paire de couilles coupées, quoi. Ton premier chagrin d'amour, t'as voulu mourir, et le second, t'étais dans quel état ? Le second chagrin d'amour, c'est presque l'inverse, si tu veux. C'est que là, j'ai voulu vivre, au contraire, et vivre le plus longtemps possible, parce que nos chemins se séparaient, on avait fait nos études, on entrait dans le monde du travail, on commençait à avoir des amitiés qui étaient différentes, des envies, des aspirations qui étaient différentes, et la vie, en quelque sorte, nous a séparés. Et donc, pour cette raison, j'ai voulu, à ce moment-là, à l'inverse, continuer à vivre, parce que je me disais, un jour, on va se retrouver. Un jour, on va se retrouver et à ce moment-là, on pourra vivre pleinement cet amour et à ce moment-là, on pourra se retrouver tous les deux. À la fois cet espoir dont je savais qu'il avait quelque chose d'illusoire, mais en fait, m'a rongé pendant très longtemps. Ça a été un moment à la fois le but de ma vie et en même temps, je ne savais que je ne l'atteindrais jamais. Est-ce que tu l'as revu après ? Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Moi, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est ce que toi tu as ressenti, mais quand on retrouve un ex ou une ex qu'on n'a pas vu depuis des années, on se dit « merde, ça n'était que ça ». Je me suis mis dans cet état alors que ça n'était qu'elle ou que lui. Alors, justement, d'ailleurs, c'était drôle, puisque d'abord, bizarrement, elle était devenue de droite. Et ce qui m'a surpris, c'était qu'en fait, ça ne nuisait en rien à l'amour que je lui portais. C'était toujours pareil. Mais j'en ai écrit une chanson, ça, qui s'appelle « Qui vivra verra », qui raconte à la fois le sentiment amoureux et puis cette espèce d'attente de retrouver un jour cette personne. Si tu la vois, dis-lui que j'ai refait ma vie, que moi ça va, que je suis heureux aujourd'hui. Si tu la vois, dis-lui qu'il m'a fallu du temps, mais que je me suis reconstruit et que je vais de l'avant. On parle de faire son deuil à propos de la rupture. Mais pourquoi faire le deuil d'une personne qui n'est pas encore morte, voire d'une personne qui parfois affirme revivre après la séparation ? Comment alors supporter que l'autre puisse revivre sans cette expérimentation à deux du réel ? Dis-lui que je n'en parle plus. Est-ce qu'on peut avoir littéralement le cœur brisé ? Ça existe ou pas ? Oui, on a découvert au Japon que le cœur pouvait être brisé, alors pas au sens physique du terme, mais néanmoins pas loin, parce qu'il peut effectivement, sous l'effet de la tristesse, du stress considérable que représente notamment une rupture ou la perte de l'être aimé, eh bien le cœur peut se modifier. Damien Mascré, médecin sexologue. Il peut perdre finalement une partie de sa fonctionnalité, comme si la personne qu'on avait perdue était partie avec un morceau du cœur. Cette fois-ci, réellement, puisque la paroi ne va plus réagir normalement, une partie du cœur sur le ventricule, ce qui fait que le cœur va devenir plus gros, mais malheureusement dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il va moins bien fonctionner. On a pu évaluer que cet impact pouvait se produire très rapidement. En quelques jours, le cœur peut perdre une partie de sa fonction. C'est ce que les Japonais appellent le takotsubo. C'était une façon qu'on avait pour capturer les poulpes, d'avoir des sortes d'amphores dans lesquelles le poulpe rentrait mais ne pouvait plus sortir parce que ça avait une forme dilatée. Et c'est ce qui se passe effectivement quand on regarde le cœur d'une personne qui souffre de takotsubo. Est-ce qu'on peut aller voir son médecin quand on a un chagrin d'amour? Est-ce qu'il y a une prise en charge médicale du chagrin d'amour? Les médecins vont regarder simplement un petit aspect, si on peut dire, mais qui est considérable évidemment, puisque c'est celui qui peut amener certaines personnes à vouloir cesser de vivre. C'est l'aspect qu'on appelle la dépression. Même si c'est contesté par certains psys qui pensent que, après tout, pourquoi coller une étiquette de dépression sur des sentiments tout à fait naturels dans la situation qu'on vit, que sont la tristesse, le désespoir, la colère parfois, la culpabilité, la honte, tous ces sentiments qui peuvent provoquer un véritable orage intérieur dans l'esprit de la personne qui se sent abandonnée. Donc on va vraiment s'en occuper sous l'angle de la dépression et finalement donner un traitement qui n'est pas parfaitement adapté et qui est même loin de l'être, puisque si on s'occupe simplement de la chimie du cerveau, c'est-à-dire de la dépression, on va essayer d'atténuer les sentiments, d'atténuer la souffrance, ce qui est un point important, mais évidemment qui n'est pas suffisant pour prendre en charge la perte d'une personne aimée. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne... Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en chagrin d'amour comme ça? Quelles sont les différentes étapes et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a une réalité neurobiologique? Alors oui, dans le chagrin d'amour, il y a évidemment une chimie du cerveau qui est très perturbée, qui est en souffrance, parce que il y a une sensation de manque. C'est-à-dire que subitement, on prive le cerveau de son produit, de sa drogue. L'amour est une drogue pour le cerveau, clairement. On sait très bien que le circuit de récompense est très activé lorsque l'on est en présence ou lorsqu'on pense à la personne que l'on aime. Donc, subitement, quand tout s'arrête, eh bien, il y a une sensation de manque au sens chimique du terme, comme la personne qui a des difficultés avec l'alcool, qui n'aurait plus d'alcool, la personne qui aurait besoin de fumer et qui n'a pas de cigarette, ou la personne qui prend des drogues plus dures, évidemment, et qui ne les a pas, il y a vraiment cette sensation chimique de manque qui fait que des circuits de la douleur peuvent même s'activer. Donc il n'y a pas seulement l'absence de récompense et de plaisir, il y a aussi des circuits douloureux qui s'activent. Donc le chagrin d'amour fait mal au sens presque physique du terme. Là, cette fois-ci, le corps est lui aussi impliqué, même s'il n'y a jamais de séparation stricte, évidemment, entre l'esprit et le corps. On a chimiquement un violent sevrage qui se produit dans le cerveau. Est-ce qu'il y a une durée du chagrin d'amour? Alors, c'est vrai que je me souviens d'avoir répondu une fois à une amie qui me demandait quelle était la meilleure solution parce qu'elle était effectivement frappée d'un chagrin d'amour. Et je lui ai dit, il n'y en a qu'une, c'est le temps. Parce que évidemment que le temps efface les traces sans supprimer les blessures profondes. Donc le temps va faire son office. Il y en a pour qui ça peut être plus difficile. Il y en a pour qui ça peut être très long. Et on sait aussi que pour certains, la blessure ne se referme jamais. Et on reste jusqu'à ses derniers jours avec la présence, si on peut dire, de l'autre, puisque l'autre est absent. Il y a 2 ans et demi, j'ai vécu une rupture amoureuse qui a été assez traumatisante pour moi. Et là, j'ai un peu pris de plein fouet une douleur que j'avais jamais vraiment ressentie. Anaïs Schenke, autrice de Fragments, rassembler les cœurs brisés. Et j'ai pas eu trop d'autre choix que de l'écrire pour un peu mettre des mots sur ce que je ressentais. Parce que j'ai été tellement sonnée par cette dissonance entre... Je t'aimais il y a quelques jours et aujourd'hui je ne t'aime plus du tout au point que j'ai plus envie de te parler, de t'accorder du temps et de l'espace dans ma vie, que j'avais besoin d'essayer de comprendre. Ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est que cette rupture, elle est vraiment arrivée de nulle part. Je suis tombée très amoureuse de quelqu'un qui était très amoureux de moi aussi, et j'ai vécu quelque chose d'un peu passionnel. Et en fait, il y a eu tout à coup, de la part de la personne avec qui je partageais cette histoire, un revirement de situation que j'ai jamais compris, ou jamais pu savoir pourquoi, parce que lui-même n'a jamais mis le mot dessus. Où le soir de mon anniversaire, le soir de mes 30 ans, en fait, il s'est rendu compte que non, il n'était même pas plus amoureux de moi, il n'était pas amoureux de moi et qu'il ne m'avait jamais aimé. Et cette espèce de constat que tout à coup, quelqu'un en qui j'avais hyper confiance et qui avait une place hyper importante dans ma vie pouvait disparaître, ça m'a fait vraiment très peur pour tout le reste des pans de ma vie. Et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, moi, ce que j'ai vécu de manière hyper personnelle, qui est de me faire larguer le lendemain de mes 30 ans par quelqu'un que j'aimais beaucoup, bah, c'est peut-être pas que mon histoire, et il y a peut-être quelque chose d'un peu plus systémique dans cette manière de voir l'amour, dans cette manière de voir le couple, la relation, et surtout de voir la rupture. En quoi une histoire finalement banale, elle peut revêtir une dimension politique ? En quoi c'est systémique, ce que tu as vécu ? On nous laisse penser que tout ce qui est de l'ordre intime, c'est quelque chose de vraiment très personnel et dont il faut pas trop parler. Il y a un peu des questions d'ego, il y a une question de faire bonne figure, il y a une question de pas laver son linge sale en public. Et plus on parle de ce qu'on a vécu, plus ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul à l'avoir vécu, plus on peut se rendre compte qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Et plus ça lève aussi un peu le voile sur une espèce d'impunité que peuvent avoir certaines personnes dans des espaces qui sont intimes, donc clos, donc à l'abri des regards, donc au sein desquels peuvent s'exercer une violence hyper forte. Ça m'a brisé très fort, ça a été un effondrement total dans ma vie. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts en fait pour en revenir, ça m'a demandé de mobiliser des moyens émotionnels importants, des moyens financiers aussi. Ça nécessitait que j'aille en thérapie parce que j'arrivais pas à surmonter ce chagrin tout seul. Donc en fait, c'est politique, ça a une incidence. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que je crois qu'il y a quand même vraiment une socialisation hyper différente entre les petites filles et les petits garçons, puis les ados, puis les adultes, sur ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le couple, ce que ça représente, et la considération de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit peu cette idée que l'amour est un... Enfin, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de responsabilité. Et s'il n'y a pas de responsabilité, bon bah voilà, je t'aime plus, c'est tout. Et c'est pour ça aussi, je crois que c'est souvent ce qui est utilisé pour quitter l'autre. Je ne t'aime plus. Et je pense que, de par encore une fois la socialisation et le soin qu'on peut apporter à l'autre, aux émotions de l'autre, les personnes socialisées comme femmes vont avoir plus tendance à essayer de mettre des mots, à essayer de comprendre, à essayer d'envelopper quelque chose pour que ça se termine mieux. Et tandis que les hommes, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas très important, en tout cas, on n'a jamais eu d'exigence émotionnelle envers eux. Enfin, en fait, je pense que mon ex, je pense que déjà, ça lui a même pas traversé l'esprit que ça m'avait fait autant de mal. Est-ce que tu lui as fait lire ta BD ? Est-ce que vous en avez reparlé depuis ? Pour lui, ça a été quand même assez violent. Moi, j'avais l'impression que c'était un petit peu une réparation juste. Enfin, j'avais besoin aussi de le mettre un petit peu face à... Enfin, c'était un petit peu le seul outil que j'avais pour répondre à toute la violence, parce qu'il n'a pas été très sympa, hein, même par la suite, dans nos échanges, voilà. En fait, j'avais pas d'autre choix que d'en faire un livre, parce qu'il m'a complètement nié un espace de parole, et que moi, j'aime pas qu'on m'empêche de parler et d'exprimer ce que je ressens. Et je pense que voilà, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup d'albums de super pop stars qui parlent de leur rupture, de spectacles. Enfin, en fait, si on a l'opportunité de pouvoir dire quelque chose qu'on nous a empêché de dire, on le fait. Vous êtes parti à la rencontre de gens partout en France pour leur demander ce qu'est l'amour. Est-ce que vous êtes parti en quête d'amour vous-même ? Alors oui, absolument. En fait, je ne devais même pas faire de livre à la base. En fait, j'étais tellement triste parce que j'étais journaliste, je bossais pour le New York Times, j'étais une de leurs correspondantes pendant presque, à ce moment-là, c'était presque 5 ou 6 ans. Stéphania Roussel, journaliste, autrice de Amour. Et en fait, je faisais des trucs super tristes, super difficiles, que ça soit sur le trafic humain, le chômage, la politique, et c'était toujours... quand on bosse dans la news, c'est non-stop, on a à peine le temps de digérer la peine de quelqu'un, qu'on est déjà devant une autre personne. Et en fait, J'arrêtais pas d'enchaîner les sujets, j'arrêtais pas de rencontrer les gens, et les gens, à chaque fois, on s'attache aux gens, on les aime. Et moi, j'avais vraiment du mal à me remettre à chaque fois de chaque personne, de l'histoire, de la peine de chaque personne. Donc, c'était vraiment compliqué de digérer tout ça, et j'allais de plus en plus mal. Et je me suis dit, mais en fait, l'amour, ça n'existe pas, c'est pas possible. Enfin, ça s'était terminé avec mon copain, donc je me disais, mais où est l'amour, en fait? Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Stéphania, tu vas prendre ta voiture et tu vas aller voir si l'amour existe. Et donc, je suis partie complètement à l'arrache, en me disant, bah, allez, vas-y, va demander aux gens ce que c'est que l'amour pour eux. Est-ce que faire ce livre, ça a soigné votre chagrin d'amour, en fin de compte? Ah bah, évidemment. De rencontrer ces personnes, ça m'a sauvé la vie, en fait. Parce que j'étais vraiment pas bien. Et les gens que j'ai rencontrés étaient tellement ouverts, gentils. Et on parlait, en fait. On parlait vraiment du sens de la vie. C'est quoi l'amour? Mais c'est quoi le sens de la vie? Et comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Et eux me disaient comment ils allaient. Moi, je leur disais comment on allait. Et donc, on partageait un moment, mais tellement intime et tellement beau et tellement intense que c'était cette connexion, en fait. Et c'est, pour moi, cette connexion, c'était de l'amour. Ça a complètement soigné mon chagrin d'amour de faire ça. En fait, on a tellement partagé avec ces différentes personnes. Et justement, c'est cette connexion et de pouvoir vraiment parler de choses profondes qui ont fait que eux comme moi, on se sentait bien, quoi. Parce qu'on avait créé une connexion. Et je pense que l'être humain a besoin de cette connexion. Sinon, on crève. Donc là, ce road trip, ça vous a permis de recréer du lien? Ouais. Donc peut-être de retrouver foi en l'humanité. Exact. Est-ce que ça vous a donné foi en l'amour? Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais j'ai foi en l'amour parce que justement, tous ces petits moments, c'était comme des petits trésors, quoi. Et c'est des moments de grâce. Et donc oui, la douceur, elle est là, et la tendresse, surtout, quoi. Et je pense toujours à cette nana que j'ai rencontrée qui s'appelle Françoise. Et j'avais dormi chez elle, on avait beaucoup parlé. Et en partant de chez elle... Je baisse la vitre et je lui dis salut. Et elle me regarde, elle me dit vive la résistance. Et en fait, c'est ce que je me suis dit, elle avait raison. C'est que tous ces gens que j'avais rencontrés, c'était comme une espèce de résistance, quoi. Parce que tous les gens, en fait, ils se relevaient à chaque fois. À chaque déception, à chaque tristesse, bah, au final, ils se relevaient et ils donnaient encore énormément d'amour. Comme ils m'en ont donné et comme ils aimeraient en recevoir. Donc oui, l'amour est là, l'amour existe. Et je dis vraiment la tendresse, la douceur et le partage fait que c'est, bon, pour moi, c'est peut-être ça l'amour. Je ne me retourne pas, ça n'est plus mon problème. Non, je ne me retourne pas, ça n'est plus mon problème. C'était Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Le cœur gros. Avec Anaïs Schenke, Stéphania Roussel, Sylvain Léda et Damien Mascret. Documentation Radio France, Antoine Vuillos, prise de son, Thibaut Nassim Ben, Mathieu Tourin, Lucien Lefebvre, Guillaume Ledu, Alexandre Bucquois et Claire Levasseur. Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressi. Il était une fois une princesse qui devint amoureuse. France Culture invite la féministe, réalisatrice et autrice Ovidie à déconstruire les codes amoureux. Pour LSD, la série documentaire, épaulée par son acolyte Tancrède Ramonet, elle tente de définir les multiples représentations romantiques qui envahissent notre époque. Je me suis rendu compte que les hommes qui me plaisaient, ils étaient tous issus de la classe bourgeoise. Et je me suis dit, merde! Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Un podcast d'Ovidie, réalisé par Julie Béressi sur franceculture.fr et l'appli Radio France.